Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Julie Bargeton. Salut Julie, comment tu vas? Bah écoute, très bien, ça va. Et Ah, toi? ben super et merci d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Ah, ben génial. Et donc j'attendais avec impatience de t'avoir dans le podcast pour écouter un petit peu tes anecdotes, parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu es comédienne. Oui, tout à fait, ça fait... Ouh là là, je ne compte plus les années. Mais au niveau du spectacle, j'ai commencé en 2015. Et en fait, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que... Enfin, particulier, non. Mais la meuf, attendez, moi, c'est hyper particulier. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que j'ai joué un spectacle pendant un an et demi. Et après, je me suis arrêtée pendant un an et demi pour écrire et pour le tournage d'autres projets. Et j'ai repris mon spectacle. Mais en fait, du coup, j'ai joué ce spectacle 3 ans, mais sur 6 ans. Il y a eu plein de trous. Bah, 6 ans déjà, un an de confinement, hein, voilà. Mais au-delà de ça, en fait, voilà. Donc, c'est vrai que finalement, j'ai pas joué tant que ça. Bah, la bonne nouvelle en fait avec le podcast, c'est que il suffit d'être monté une fois sur scène pour avoir une anecdote peut-être à raconter, tu vois. Donc, tu vois, je pense qu'à partir du moment où tu montes sur scène, tu t'exposes aux galères. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, là, maintenant que les choses ont repris et tout, on va te revoir sur scène bientôt. Bah, écoute, j'ai enregistré la captation de mon spectacle le 7 juillet au Théâtre de Génial. l'Œuvre, qui va donc être diffusé sur Comédie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Super, super, bah c'est Et je cool. pense que là, je vais après changer de spectacle parce que c'est vrai que mes thèmes principaux, c'était la virilité de la femme et la sensibilité de l'homme, qui étaient des thèmes très, très novateurs il y a de ça 5 ans. Oui, alors Aujourd'hui, beaucoup de qu'aujourd'hui, gens en c'est... parlent. Ah, oui, bien Donc, je sûr. trouve que c'est très. Enfin, je suis ravie d'avoir la captation de ce spectacle pour justement qu'il y ait une trace. Ça, c'est une super chance. Mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose. C'est normal. Oui, je comprends. C'est sûr qu'il y a un phénomène au bout d'un certain temps, surtout au bout de plusieurs années comme ça, il y a un peu de, comment dire, de une certaine mise à jour qui est des fois nécessaire ou quoi. Mais voilà, à l'époque, ça t'inspirait et puis c'était, comme tu le dis, novateur. Et aujourd'hui, ouais, il y a un besoin de renouveler tout simplement. Et je pense que se renouveler sur scène, c'est vrai que c'est important. Tout à fait. Mais en tout cas, parmi ces 6 années donc entrecoupées de pauses, tu avais justement une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Bah, en termes de flop, ça Ah, en termes de galères ou d'anecdotes marquantes, en effet, c'est souvent des flops. dire. Bah oui, parce que sinon, faut parler des galères, sinon c'est pas intéressant. Non, la grosse galère, c'était enfin, une des premières fois où je jouais à la nouvelle scène. Je me suis retrouvée avec donc un public assez restreint, ce qui est normal quand on débute, mais surtout avec un mec complètement bourré dans le Oh là là. public. Et ça, c'est très violent parce qu'il riait à contre-temps. C'est-à-dire que sur les blagues, il ne riait pas. Et il y a des moments pas drôles dans mon spectacle. Ça alterne vraiment entre seul en scène, entre guillemets, D'accord. sérieux et puis humour. Et en fait, dès qu'il y avait de l'humour, il ne riait pas. Et dès qu'il y avait des moments d'émotion, il était... Et donc, c'est très, très gênant, vraiment. Et comme ça, Oui. je pourrais te dire, j'aurais pu rire. Quand tu es dans un spectacle de stand-up pur et dur, je pense que tu es très énervé, mais tu prends sur toi et tu peux te marrer avec le mec. Tu vois? Mais quand tu fais des personnages et que c'est théâtral, Ouais, tu peux pas casser le quatrième voilà. mur. Donc tu te C'est ça, t'as le retrouves, quatrième mur qui te bloque, ah là. là là, et donc c'était une galère. J'ai même des gens qui m'ont envoyé un mail le lendemain me disant, mais comment tu as fait? Tu avais eu pitié de moi, tellement c'était d'une violence absolue. Donc voilà l'anecdote vraiment où franchement j'ai cru que j'allais crever. Voilà, Oh là 1h15 là là là. de... Bah, Donc si tu veux, voilà. le mec, comment dire, là on comprend que quand les gens sont bourrés, bon, on savait que le temps de réaction était allongé, mais apparemment, ça décale aussi les rires, tu vois. Donc, si ça se trouve, quand le mec riait dans les moments sérieux, c'est qu'il venait de comprendre les blagues que t'avais balancées avant, tu vois. C'est Peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était assez violent, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. J'avais un copain qui était déstabilisant. à côté et qui m'a parlé après. Il m'a dit, je suis désolée, j'ai ton spectacle, je t'ai pas eu tout dedans. Et il m'a dit, mais je te vexe pas du tout, c'est qu'en fait, j'avais envie d'emplâtrer le mec. J'étais à côté de lui et il m'a complètement coupé le spectacle. On ne pouvait pas rentrer dedans, en fait. C'est Oh. voilà, donc c'était triste pour moi, mais triste pour les gens aussi. Mais ça, c'est vrai que c'est dommage parce que moi, je le dis souvent quand quelqu'un dans la salle te déstabilise, toi, parce que par exemple, il parle ou il rigole un peu. Enfin, non, le rire, ça va, mais quand il rit au bon moment, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, s'il te déstabilise, toi, parce qu'il parle un peu ou qu'il fait un peu trop de bruit, ça, c'est pas grave. Mais quand ça déstabilise les autres spectateurs, c'est là que c'est gênant. Et moi, dans ces cas-là, j'interviens, tu vois. Malheureusement. Toi, en quatrième mur, en vraiment en mode théâtre, en mode personnage, c'est très très dur Oui. d'aller calmer quelque chose dans la salle, oui, je comprends. Ouais. Bah, d'ailleurs, moi, ma galère vient, enfin, mes galères viennent surtout du fait que je ne fais pas de stand-up. D'accord. Parce que figure-toi qu'aujourd'hui, c'est quand même la tendance depuis une dizaine d'années. Et que déjà, quand tu fais des plateaux d'humoristes, bah, tu es moins seul que quand tu fais juste ton seul en scène toute seule. Mais moi, le problème, c'est qu'avec le format de mon spectacle, quand tu fais pas de stand-up, tu peux pas faire de plateau. Et le peu de plateau que j'ai fait, bah, en fait, je me trouve complètement décalé. Tu peux pas couper un morceau de ton spectacle pour le mettre. Ouais, et ou alors, une fois, j'avais fait justement c'était à l'Olympia. Donc, je t'avoue que j'ai dit, allez, vas-y, j'y vais. Parce que c'était trop, trop bien de jouer à l'Olympia. Mais c'est vrai qu'il y avait que des mecs qui faisaient du stand-up. Toutes les filles avaient refusé. Ah ouais. Donc moi j'avais dit ok. Et je suis arrivée en étant la seule fille qui fait un personnage face là à là. Des mecs qui font du stand-up et en plus un truc très voilà un peu potache et tout ça. Et moi c'est pas du tout mon humour. Donc du coup j'étais mais à côté. Mais c'est-à-dire mais en même temps moi je m'en foutais. J'étais à l'Olympia. Tu vois ce que je veux dire? Oui, genre, bah c'est oui. pas grave. Non mais j'étais heureuse d'être là, tu vois. Et je pense que ma performance était correcte. Pas ouf, Ouais. on va pas se mentir, on n'était pas sur une dinguerie. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est comme si t'as un rappeur en plein concert de rock. C'est-à-dire que même s'il rappe bien, on se dit qu'est-ce qu'il fout là? Tu vois, on se dit mais pourquoi est-il là? Et en fait, tu vois, quelque chose se dit mais qu'est-ce qu'elle a cette dame? Pourquoi est-elle venue? Tu vois, Voilà. il y avait un truc complètement décalé, quoi. Je vois le décalage. Et là, tu vois, avec ta phrase, là, je viens d'imaginer Booba en première partie de Michel Sardou. Tu vois, c'est chaud quand Mais c'est même. ça. C'est exactement ça. Ou attends, pire, Michel Sardou en première partie de Booba. Je pense que là, c'est chaud, mon gars. Allez, les jeunes, elle court. Ouais, tu vois. Et les jeunes, ils vont dire, c'est toi qui vas courir, ta race. Vas-y, bouge. Ben voilà, c'est exactement ça, tu vois. Bon, me compare pas à Michel Sardou, mon gars. Non, rien à voir. Rien à voir, absolument rien à voir. Mais non, oui, non. Tu Et, vois le non, mais décalage. je comprends totalement. Après, très honnêtement, quel humoriste d'entre nous ne rêve pas de faire l'Olympia? Ben Tu vois, ouais, donc tu la boucles c'est et tu y vas. normal. Bah oui, c'est normal. Voilà. Je vais te dire, on est tous prêts à bider, on Ah préférerait bider à oui. l'Olympia que cartonner dans le sous-sol d'un restaurant. Exactement, franchement, exactement. Bah, c'était mon Tu parfait. Tu sais, je suis partie, j'étais avec des membres de l'équipe de ma boîte de prod, tu sais, des gens qui me produisent, et j'étais là et on rigolait parce qu'on savait que j'allais au casse-pipe, tu vois, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que t'es pas exactement à ta place. Donc, on Ben oui, rigolait, on se mais. disait, bon, ah, bon, et les gars, c'est qui tout double? Bon, je pense qu'on est sur un four, mais il y a moyen de faire un truc de ouf parce que, tu sais, genre, la différence peut payer des fois, tu vois? Oui, Genre, ça peut ah être ben, surprenant. c'est Et le donc, côté audace, le côté voilà, je dis, audace. les gars, c'est qui tout double? Et puis, je suis revenue, je fais, bon, bah, c'était qui ton... C'était qui ta scène? Quitte le métier et rentre chez Watt. Donc, voilà. Donc, c'était, voilà. Mais c'était, voilà, c'est une super expérience. Hein. J'en parle en riant maintenant, Bien sûr. mais voilà, mais bon... Et puis aussi, quand t'as un thème engagé, des fois, ça peut être pas évident. T'as des gens qui comprennent pas, tout ça. Ça, c'est pas grave, hein, c'est un choix aussi. Mais non, alors, il y a une anecdote aussi assez drôle. C'était au tout Ouais. début. En fait, j'ai eu de la chance très vite, au bout d'un mois. Il y avait une représentation à la Cigale pour la journée de lutte pour les droits des femmes, organisée par le planning familial. Et donc, il y avait pas mal d'humoristes. Et vraiment, tout le monde avait fait de la scène, tout le monde était connu. J'étais la seule, enfin, j'étais la petite nouvelle, quoi. J'étais la seule qui avait zéro carrière, quoi. Donc, j'étais déjà trop heureuse de me retrouver là. Et puis, il y avait un ordre de passage, et moi, j'étais hyper contente, tranquille. Je passais derrière Donnell, je me souviens de Jacksman. Et puis là, d'un coup, on me dit, non, non, tu changes de place. Il y avait un truc où tous les artistes étaient. Il y avait un truc, je sais pas ce qui se passait, mais c'était pas contre moi, mais je voyais qu'on voulait me changer de place. Et Ouais, moi, je dis, ils ont. je passe Ouais. quand vous voulez. Moi, j'ai dit quand vous voulez, les gars. Et en D'accord. fait, c'est parce que personne ne voulait passer derrière Blanche Gardin. Parce qu'elle était tellement Ah forte, mon gars, bah, que mais personne oui. ne voulait passer derrière. Donc moi, je me suis retrouvée derrière Blanche, les bâtards. Oh Tu là vois? là là Et du coup, alors que un mois de scène, la meuf, c'est une là. taulière, moi, j'ai un mois de scène, enfin, un mois de scène, quatre représentations. Hein. Oh là Un mois, je là jouais une fois par semaine, donc t'imagines comme j'étais fébrile, tu vois. là. Et je suis là, et alors attends, je suis dans les coulisses, et stressée de ouf, tu vois. Et là, je la regarde. Je suis en coulisses. Et la meuf est tellement forte qu'en fait, je suis en train d'écouter. Je suis en mode public. Tu sais, normalement, tu te concentres. Et moi, je m'étais concentrée à fond avant, tu vois. Mais là, les 5 dernières minutes, je me marre comme une baleine, tu vois, de ces conneries. Tu vois, je suis là, je suis là, ah, elle est super, cette meuf. Et là, le truc, c'est qu'elle m'appelle pour monter sur scène. Enfin, tu sais, on se faisait le relais. Et là, je suis arrivée, mais complètement pas dedans. J'ai fait, ah, oui, bien sûr, oh là là. Enfin, tu vois, et je suis arrivée, mais tu sais, un peu de nulle part. Du coup, je te jure, j'avais 15 minutes, je crois. Ouais. Et les 5 premières minutes, mais comment j'ai ramé de ouf. Parce que déjà, l'autre, elle est brillante. Donc déjà, elle te met une patate dans la gueule au niveau du public. Donc c'est un peu dur derrière d'avoir une petite nana qui arrive. Ah, salut les gars. Tu vois, bon, c'est un peu dur. Mais en plus, moi, j'étais pas vraiment dedans parce que j'ai été prise par son talent et j'ai complètement oublié que je devais jouer, quoi, tu vois. Mais bon, après, j'étais contente parce que j'ai remonté la pente et ça a très bien marché, donc c'est cool. Ah bah, mais le début était très, très mauvais. Ouais, c'est le plus important, c'est que tu as réussi à remonter. Après, je t'imagine tellement pendant son passage à être en mode waouh, tu sais, genre en mode spectatrice et tout. Et après, t'entends. Et maintenant, Julie Bargeton. Et tu dis, tiens, c'est marrant, la prochaine fille, elle a le même nom que moi. C'est... Oui, j'étais complètement là-dedans. Donc, c'était. Alors, ça, je vais te dire, je pense que. Alors, à moins que Blanche Gardin ait vraiment une obligation de devoir partir assez tôt ou quoi, je pense que c'est une erreur de line-up. Parce que dans ces cas-là, quand tu as une star comme ça. Non, mais elle était. Attends, c'était pas encore une grosse star, hein, c'était il y a 5 ans. Ah d'accord, non mais même... Elle n'avait pas encore alors... son Molière, c'est-à-dire qu'elle était très forte. D'accord. C'est-à-dire que dans le milieu des humoristes, tout le monde la craignait, parce que tout le monde savait que... Enfin, la craignait, pas elle, hein, la pauvre. Mais je veux dire, oui, les gens ne voulaient pas passer derrière elle parce qu'elle était très forte. Mm-hmm. Mais en revanche, elle n'avait pas encore la notoriété qu'elle a aujourd'hui, si tu veux. D'accord, à ce moment-là, ok. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, je pense que l'erreur ne serait pas faite, mais, non, mais même... Non, évidemment. Mais tu vois, les autres humoristes, ils ne s'y sont pas trompés. Hein. Ils ont fait, on ne veut pas, on ne veut pas. Comme moi, j'étais une petite bleue. Mm-hmm. J'ai dit, oh, il n'y a pas de souci, elle est super blanche. Ils ont dit, allez, on t'envoie au casse-pipe, quoi. Voilà. Non, mais en fait, le truc, même si, alors, du coup, il n'y avait pas la notoriété, moi, je pensais qu'elle l'avait déjà, mais. Si, elle l'avait, mais pas autant qu'aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Ouais, ah bah, aujourd'hui, maintenant, ça a explosé, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, au moins, quand t'es programmateur, quand tu prépares un line-up, même sur un truc où personne n'est connu réellement, si tu sais que telle personne, c'est de la bombe et que justement, même t'es complètement ignorant de tout ça, mais t'entends que personne ne veut passer derrière. Bah, tu te dis, attends, elle est tellement forte que je ne vais pas prendre de risque, je la mets à la fin. Oui, c'est vrai, mais à la fin, en fait, je ne peux pas dire de nom, mais il y avait une humoriste très connue, plus que Blanche à l'époque, qui devait conclure le show. Voilà, donc il n'y avait pas le choix. Ah, ouais. Tu vois, oui, mais à ce moment-là, peut-être la mettre juste avant, du coup, tu vois. Oui. Non, mais écoute, ce n'est pas grave, hein, je ne vais pas critiquer l'organisation, moi, j'étais hyper contente de la soirée. C'est pas du tout, bien évidemment, c'est pas du tout contre les organisateurs ou quoi. Hein, je sais que c'était pas malveillant de leur part. Mais au final, alors il y en a qui disent au contraire, tu vois, tout le monde a le même réflexe. Moi, le premier, j'avoue que j'irai pas dire je veux pas passer derrière parce que je vais me sentir coupable de changer le line-up, tu vois. Mais si on me dit est-ce que tu veux passer, il y a plusieurs places. Et évidemment, s'il y en a une juste derrière une bombe sur scène, tu vois, genre un Roman Frécinet ou un truc comme ça, clairement, je vais dire écoute, s'il y a possibilité, s'il y a plusieurs remplacements, je vais en prendre un autre. Mais si on me dit écoute, c'est toi qui passes derrière Roman ou derrière Blanche, je vais me liquéfier. Mais je vais y aller en mode bah écoute, à un moment ou à un autre, faut y aller, tu vois. Parce qu'il y en a quelque part, moi je trouve ça cool de parce que le fait que j'en avais pas conscience, et ben j'étais détendue. Ah, d'accord, part. Ok, d'accord, d'accord. Pas conscience. Enfin, ouais, je savais qu'elle était très forte, mais je sais pas comment t'expliquer. Non, je débutais en fait. Bah, c'est je vrai, savais, c'est j'étais jamais passé derrière quelqu'un, j'avais fait que mon spectacle, j'avais jamais d'accord, fait de plateau d'humoriste, mais oui, bien sûr, j'avais pas conscience de l'ordre et tout ça, pas du tout, je débutais. Donc mais moi, après il y a des gens moi je sais que j'ai beaucoup entendu ça tu vois pour des humoristes et tout qui disaient que en gros il y en a beaucoup qui veulent éviter totalement ça, ils veulent surtout pas se mettre derrière quelqu'un de fort, et il y en a d'autres au contraire, alors ils vont pas chercher ça mais ils vont se dire bah si ça arrive tant mieux parce que du coup ça va me pousser à donner le meilleur de moi-même et ça va me remettre en question aussi voilà, se prendre une petite claque scénique petite hein, parce que du coup tu t'en es très bien sorti, se prendre une petite claque scénique des fois ça permet un petit peu de se dire ah le chemin est encore long, je vais continuer à bosser. Et clairement, on doit tous continuer à bosser, hein, on n'est pas à l'abri. Hein. Ah oui, toujours, de toute façon, on doit toujours continuer à bosser, ça c'est sûr. Et donc, ton passage, donc les 5 premières minutes, un petit peu compliqué, il fallait faire la transition entre Blanche et toi. C'est ça, alors déjà, il y avait le fait que moi, il fallait que je rentre dedans, tout bêtement, dans mon texte, alors que j'étais en mode spectatrice une seconde avant. D'ailleurs, je ne sais pas comment font les stand-upers, parce que souvent, tu sais, dans les plateaux d'humoristes, ils sont là dans la salle, on les appelle et puis ils arrivent tranquilles. Alors moi, je me concentre, c'est peut-être justement parce que je viens du théâtre, mais je me concentre en coulisses, hyper focus. Ah non, je ne suis pas en train de fumer des clopes et de boire des coups, je ne peux pas. Je ne peux... Enfin, tu vois, c'est pas la même école. J'ai l'impression, en fait, que chacun réagit différemment en fonction de son expérience et de son style sur scène. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé, j'étais incapable de parler. Tu vois, genre, vraiment, j'étais stressé, machin, au début et tout, avant de monter. Maintenant, honnêtement, tu vois, rien que Beaucoup moins. manger, par exemple. Manger, ça, tu t'en rends compte. T'as les humoristes qui ne peuvent pas manger avant et t'as Ouais. les humoristes qui mangent tranquille avant. Moi, avant, j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit avant Oui, de monter pareil, sur moi, scène. des débuts, et puis maintenant, je peux manger. Léger, hein. Exactement, Léger, hein. exactement. Bah, Oui, pas non plus, ça perd un kebab. Non. Non, on est d'accord, on est d'accord. Le kebab, on le laisse pour après. Tu sais, quand tu te dis Voilà. punaise, ils étaient pas chauds ce soir. Enfin, Oui, bref. c'est ça. Non, franchement, on est tous pareils à ce niveau-là. Enfin, il y en a qui n'arrivent toujours pas à manger. Après, c'est chacun comme il le ressent. C'est une chose normale de se dire, vu que tu avais très peu de scène derrière toi, de te dire, c'est impossible pour moi de me détendre et de discuter avec tout le monde avant de monter sur Bien scène. sûr. Eh bien, écoute, la première scène que j'ai faite avant mon spectacle, je la dois à Bounaïmin, grâce à qui j'ai rencontré aussi mon premier metteur en scène, Papy, Alain Degoye. Écoute, incroyable, Boun avait une carte blanche aux têtes de 10 heures. Voilà. Ah oui. Et donc, pareil, il y avait Blanche aussi qui était là dans le line-up. Plein de gens du stand-up, enfin, tu vois, hyper aguerris, quoi, qui faisaient ça depuis des années. Et Boun a la gentillesse de me faire une petite place, si tu veux, en se disant, bon, on va pour que je puisse tester 10 minutes. Mais c'est la toute première fois de ma vie. Hein. D'accord. Et donc là, moi, je suis dans les coulisses. Babubi Bobu, tu vois ce que je veux dire? Exercice d'articulation, mon frère. Je suis là, Babubi Ouais. Bobu. On est loin Tu vois? du. Je sais pas si vous avez remarqué, Ah mais. oui, non, pas du tout, pas du tout. Donc moi, je suis à bloc dans les coulisses. Et puis, donc, il enchaîne. Il ne m'avait pas dit à quel moment je passais. Donc moi, je suis là dans les coulisses. J'attends qu'on D'accord. dise mon nom, quoi. Puis là, je vois, il y a tous les gens qui passent. Et puis, il n'y avait pas mon nom, quoi. Et je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'il fout, tu vois? Donc, à un moment donné, je suis là. Tu sais, je fais un signe sur le téco. Tu sais, je suis là, hé, boum, je suis tout. Et là, il fait, ah ben, voilà, Julie Barbier. En fait, c'est pas... il m'a dit, meuf, t'étais la seule en coulisses, tous les humoristes étaient devant lui. Et quand il m'a pas Ah, vu, il a cru que j'avais eu peur et que j'étais partie. Parce qu'il m'a confié que ça lui était d'accord. déjà arrivé que des Ah. gens, pour leur première fois, balisent trop et finalement ne montent pas sur scène. Donc lui, sachant que c'était ma première fois que j'étais flippée, me voyant pas dans le public, il s'est dit, la meuf s'est cassée. Tu Ouais, vois? je comprends. Ah Et en ouais, fait, pas du tout. d'accord. Et donc, je me suis dit, hé! Et du coup, voilà. Et donc, j'ai fait mes 10 premières minutes. Et grâce à ça, mon metteur en scène m'a dit, OK, je produis ton spectacle. Donc, c'est une très belle Sympa, histoire. Et c'est c'est grâce à beau. Boone, et aussi à Blanche, d'ailleurs, parce qu'on était trop nombreux ce soir-là. Et Ouais. elle devait. Enfin, en gros, c'était elle ou moi qui devait passer. Mais comme c'était ma première fois, elle a dit, bah non, je ne vais pas gâcher sa première fois. Elle faisait plein de plateaux. Donc, elle a dit gentiment, non, non, il n'y a pas de souci. Enfin, quitte entre nous deux, vaut mieux que ce soit Julie qui passe. Voilà, moi, j'en ai plein d'autres de plateaux programmés cette semaine, quoi. Ah, Donc, c'est très sympa. extrêmement classe et très gentil. Oui, tout à fait. D'accord. Ah, bah ça fait plaisir. C'est Ah, quand mais même ça fait beau, hein. plaisir. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Et du coup, la fois d'après, quand elle t'a vu, elle s'est dit, bon, maintenant, c'est pas ta première scène, donc ma pauvre, tu vas passer derrière moi, tu vas te ramasser la gueule. Non, la pauvre, pas du Non, tout. non, je Non, non, plaisante, hein, bien évidemment. on était les deux plus stressés en coulisses, tu vois. On était tous les Oui, deux, tu alors vois. Blanche, vraiment, moi je l'avais écouté dans le podcast de Sébastien Marx, qui s'appelle Donc voilà quoi, il y a des années, hein, c'était en 2014 peut-être, un truc comme ça, et elle expliquait que la scène pour elle c'était une angoisse, vraiment, Tout à fait, ouais. Mais ça dépend des malgré le gens, succès et ouais. tout. Mais elle, voilà, elle fait partie des gens torturés, comme on dit, tu vois. Vraiment, qui, tu sais, elle racontait, je crois que j'en avais déjà parlé dans le podcast, elle racontait que elle était donc après le Jamel Comedy Club et tout, on l'appelle pour venir faire un spectacle, son spectacle à Toulouse pour un festival organisé par le groupe Zebda. Et à ce moment-là, juste avant de monter sur scène, elle vient de frapper les murs à coups de poing, quoi. Elle est montée sur scène, les mains en sang. Bon, j'imagine que ça se voyait pas, enfin que ça se voyait pas trop ou quoi, mais Oui, en bien gros, sûr. elle venait de mettre les poings dans le mur, quoi. T'imagines? Ah oui. C'est dur, hein. Mais Ouais, après. bah ouais. Après, chacun réagit différemment. Ce n'est pas normal de monter sur scène devant des gens. Pas le corps, si tu veux. Non, non, mais ce n'est Ouais. pas normal. Bah, Et tu se sais, là où retrouver seul et je m'en tout, suis rendu compte, bah oui, il y a une peur non, mais primale, quoi. même, oui, et puis même, je veux dire, ce n'est pas humain. Je veux dire, 95% des humains ne font pas ça. Tu vois? Totalement, C'est-à-dire que totalement. c'est un peu. Et tu sais, là où je m'en suis rendu compte, c'est qu'après le premier confinement, tu sais, mon spectacle, j'ai joué pendant 2 ans. Donc, t'imagines bien qu'à la fin, je mettais mes petits chaussons, j'allais sur scène tranquillou, quoi. Tu vois, je veux dire, j'étais très, très tendue au début. Et à la fin, j'étais évidemment pas stressée du tout, hyper heureuse, détendue. Enfin, tu vois. Et puis, je m'arrête pendant 8 mois, 6 mois, je ne sais plus, pendant le confinement. Et je reprends. En plus, en province, en toute détente. Enfin, je veux dire, j'ai la pression parce que, voilà, je reprends. Mais non, je ne suis pas vraiment stressée, pour être honnête. Je ne suis pas stressée. Je suis heureuse. Et j'arrive sur scène. Et là, je vois ma jambe qui bouge. Ah, qui commence à flageoler un peu. Qui tremble. Et je me dis, mais merde, comment ça se fait que ma jambe tremble? Mais personne ne l'a vu, tu vois, c'est une grosse salle en plus. C'est pas grave, c'est pas pour les gens. Ma jambe a tremblé une minute. J'étais assise, personne ne l'a vu, si tu veux. Mais moi, je me suis dit, comment ça se fait que cette patte tremble? Tu vois. Et je me suis dit, pourquoi? Et je me dis, mais parce qu'en fait, mon corps n'est plus habitué. Je veux dire, être devant 300 personnes, c'est pas rien, en fait. Ah, c'est dingue, ça. C'est pas rien. Et quand t'es habitué, tu vois, tu fais 30 personnes, 50, 80, 100, 120. Tu vois, clac, clac, clac. Tu vois, t'arrives à tes 200, 300 personnes, c'est magnifique. Tu t'arrêtes pendant 6 mois, 1 an. Et boum, tu redeviens. Non, ça, c'est hyper violent. Et je ne pensais pas. D'accord. Avant de monter sur scène, j'étais pas du tout stressée. Enfin, j'étais stressée normalement, si tu veux. Et, ben, et le corps, il réagit. J'ai fait, mais merde, qu'est-ce que c'est que tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai que le corps, il a ce genre de réflexe et tout. Moi, je l'ai ressenti. Là, toi, ce qui a fait ça, c'est que ça faisait très longtemps que tu n'avais pas joué. Moi, ce qui m'a fait ça, c'est de faire un nouveau texte, mais depuis très longtemps. Ça faisait très, très longtemps que je n'avais pas testé. Et j'ai fait un nouveau texte. Et à un moment, je pointais quelqu'un du doigt comme ça, donc en allongeant le bras, tu vois. Et je sentais mon bras qui vibrait un peu comme ça, tu vois. Alors qu'en temps normal, rien. Et là, j'avoue que c'est la seule fois que ça me l'a fait, parce que mon corps avait peur, en fait. C'était ce sentiment. Pourtant, je n'avais pas coupé la scène ni rien. Mais c'était vraiment le fait de jouer un texte incertain. Quand je tendais le bras, inévitablement, ma main tremblait, en fait. Il y a une mémoire du corps et il y a une espèce de peur primale. Je ne sais plus qui avait analysé ça, mais ils expliquaient que ça vient du fait qu'à l'époque, tu vois, genre pour parler devant toute la tribu, tu vois, tu étais stressé parce qu'en gros, si ce que tu leur disais ne leur plaisait pas, ils pouvaient te bannir ou te tuer, peut-être, tu vois. Voilà, c'est une peur primale, j'ai l'impression. Ah, c'est intéressant. Tu vois, peut-être. Faudrait demander à des anthropologistes, tu vois, genre, quel est le lien. Mais je pense qu'il y a une histoire là-dedans, ouais, de survie, en fait, de, tu sais, quelqu'un de la tribu qui se lève et qui parle à tout le monde. En gros, il faut qu'il leur annonce des nouvelles qui vont les conforter, quoi, tu vois, et pas leur dire, voilà, on est, enfin... C'est un peu j'ai l'impression que c'est un petit peu la fameuse expression kill the messenger. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, ils tirent sur le messager, quoi. Ils veulent tuer le messager parce qu'en fait, toi, tu vas apporter quelque chose. Si ça leur plaît pas, tu es la personnification de cette mauvaise nouvelle. Donc, ils vont s'attaquer à toi. Tu sais, c'est comme moi. Moi, je suis chauffeur de bus dans mon quotidien. J'ai déjà eu une dame qui est montée dans mon bus et tout. C'était vraiment le bazar et tout, c'était l'heure de pointe sur les boulevards de Bordeaux, donc c'est vraiment compliqué. Je suis arrivé avec genre une demi-heure de retard, mais j'avais pris mon boulot à l'heure, hein. C'est juste qu'il y a tellement de monde que j'ai pris une demi-heure de retard dans la vue, quoi. Et là, elle est montée, elle m'a engueulé, elle m'a pourri vraiment, elle m'a défoncé. Et après, je lui ai dit, madame, mais vous êtes consciente que j'y suis pour rien, moi? Et après, elle m'a répondu ça, elle m'a dit, excusez-moi, c'est pas contre vous, mais c'est juste que si je vous engueule pas vous, j'ai personne à engueuler. Tu vois le... Ouais, ouais, le bien truc. Sûr, bien sûr, ouais. Donc après, là, quand les gens ils viennent te voir sur scène, c'est quand même différent. Non, non, c'est différent, mais on parle de l'origine de cette peur. Hein. On parle pas des gens qui viennent te voir. Je parle de vraiment du côté tribu, du côté peur primale, tu vois. C'est par rapport à ça. L'être humain, il va s'attaquer à la personne, tu vois, qui va lui porter un message et tout. Alors que voilà, c'est un truc, c'est enfoui au fond de nous. J'ai l'impression que c'est un réflexe. Après, il faut lutter contre ça. Moi, je sais que quand j'ai des téléconseillers qui m'appellent, qui me saoulent pour des trucs, je vais pas leur manquer de respect à eux, mais je vais leur dire, je suis pas intéressé, merci, au revoir, bim. Mais je vais pas m'énerver contre eux parce que eux, ils ne sont que pauvres, les messagers. Ils ne sont que les messagers d'une entreprise qui veut nous vendre de l'isolation ou des fenêtres. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas leur en vouloir. Eux, ils font leur boulot. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est remplir le frigo. Ils s'en fichent que ta maison, elle soit bien isolée, tu vois? Ouais, c'est donc, vrai. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que je te dis, c'est le côté primal. Et c'est vrai que ce n'est pas logique. Toi, tu es sur scène, tu es en train de parler aux gens et tout. C'est pas normal, les gens sont venus te voir, ce n'est pas normal d'avoir eu cette peur, quoi. Mais je comprends, c'est quelque chose de viscéral. Non, mais en fait, c'était incontrôlé, exactement. Même moi, j'étais en train de me dire, mais pourquoi? Tu sais, j'étais pas en train de me dire, oh, je vais avoir un trou, ou ah, les gens ne rient pas. Ou... Non, pas du tout. Pas, c'est juste mon corps, tu vois. C'était intéressant de voir que le corps, quand même, il réagit, quoi. Tu vois, il a un truc. Et alors après, moi, en termes de bide, pour finir là-dessus, c'est que, tu sais, quand t'as un spectacle... qui n'est pas que drôle, ce qui est le cas de mon spectacle, finalement, mon but n'est pas vraiment de faire rire, si je suis honnête. Tu vas me dire, ah bon ? Non, en fait, quand je comprends. Tu veux transmettre des émotions. Transmettre des émotions. Et je pense qu'il y a des moments qui sont gauleries, il y a des moments qui sont didactiques, il y a des moments qui sont émouvants, il y a des moments qui sont dérangeants. Et c'est le but un peu de mon spectacle. J'adore, moi, en tant que spectatrice, j'adore ressentir des émotions diverses. C'est ce que j'essaye de te transmettre au spectateur. Et donc, du coup, si jamais les gens ne rient pas, bon, je te cache pas, hein, je préfère quand les gens sont hilares, bien sûr. Mais s'ils ne rient pas, je me dis, c'est pas grave parce que peut-être que je vais les choper avec autre chose. Donc, je n'ai pas ce truc. Moi, je suis assez admiratif pour ça, de justement des stand-upers ou des humoristes purs, ce que je ne suis pas. Parce qu'en fait, la sentence est immédiate. C'est-à-dire que le rire, totalement, si tu l'as pas, tu l'as pas. C'est une tristesse sans nom. Alors que moi, je... Ouais, tu ris, ouais, c'est cool. Fin. Et d'ailleurs, souvent, les gens vont faire... tu vois, c'est pas genre « Ah, bâtard !» Tu vois, c'est pas ça, les rires que j'ai, moi. Je comprends. Bah, c'est vrai que dans le stand-up, quand tu balances une vanne et que les gens ne rigolent pas, c'est... très rare que le mec sorte en te disant ouais non mais je voulais leur transmettre des émotions et tu vois, si t'es stand-upper tu dois assumer, tu dois dire j'ai pris un bide et c'est tout. Oui, bien sûr, des fois je me pose la question, je me dis mais est-ce que j'ai fait justement un spectacle avec plein d'émotions différentes parce que c'est ce que j'aime, c'est ma sensibilité. Bon, je pense que c'est complètement vrai, mais des fois je me dis ça m'arrange bien. Parce qu'au moins, moi, je peux dire non, mais les gars, c'est de l'humour engagé, un peu poétique. Alors que sinon, je serais obligée de dire ah, mon gars, c'était nul ce soir, j'ai fait de la merde. Là, je vais toujours dire oh, il y a eu un beau message qui est passé. Donc, je m'en sors toujours avec une petite pirouette. Mais oui, c'est vrai. Et alors, une fois, j'ai eu, alors c'était trop marrant, parce que j'étais en tournée avec un spectateur au premier rang, assez grand, assez balèze, qui tirait une tête. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il avait envie de me buter parce que non seulement il ne riait pas du tout, mais en plus, comme effectivement j'ai des propos, tu vois, assez engagés, je me suis dit, mais vraiment, je crois que le mec, je ne sais pas, mais ça ne va pas du tout. Enfin, je ne sais pas, je sentais dans ses yeux un truc, mais vraiment assez violent. Donc, j'étais là, je me suis dit, mince. Puis il m'attend à la sortie en plus. Ah ouais, là, c'est flippant, là. Ah, c'est chaud. Là, je suis assez chaud, mon gars. Ah non, tu vois. Et là, je sors et le mec me dit, bravo. Point. Alors, je savais pas si c'était du lard ou du cochon, tu vois. Je fais genre, mais qu'est-ce que tu veux? Et il me dit, franchement, c'était vraiment bien, j'ai beaucoup ri. Et là, je le regarde, je lui dis, mais monsieur, vous n'avez pas ri une seule seconde, vous étiez au premier rang. Je me suis même demandé si vous détestiez pas, parce que je ne vous ai pas vu rire une seule fois. Et il m'a répondu, non, je ris à l'intérieur. Bonne soirée, mademoiselle. C'est fou quand même. Waouh. C'est pour ça qu'il faut se méfier aussi, tu vois. Oui. Des fois, les gens, ils rient de ouf, mais en sortant, ils disent « Ouais, c'était vite fait ». Et des fois, ils ne rient pas. Et en sortant, ils disent « C'était canon ». Eh bien, tu vois, ça, c'est quelque chose qui... C'est un point commun entre toi et les stand-uppers, c'est qu'on a des gens comme ça aussi. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, ben, exactement ce que tu dis là, des gens qui ont éclaté de rire et tout, mais à la fin, tu vas leur dire... Enfin, je ne leur pose pas la question, mais tu sais, s'ils parlent de toi, ils vont dire « Ouais, c'était sympa ». C'était juste cool. Ouais. Oh, c'était cool, c'était sympa, on a passé une bonne soirée. Et il y en a d'autres qui vont pas te décrocher un rire. Moi, ça m'est déjà arrivé que des gens ne te décrochent pas un rire, tu vois. Et après, ils viennent te voir à la fin, ils te font « j'ai adoré ». Ouais, tu vois. Vraiment, hein. Et t'hallucines. Ben, la bonne nouvelle avec ces histoires-là, c'est que tu te dis, c'est le bénéfice du doute. C'est quand t'es sur scène et que tu vois que certaines personnes, parce qu'évidemment, si toute la salle est silencieuse, quand t'es stand-upper, je parle, hein, la salle est silencieuse, là, c'est mauvais signe, tu vois. Mais si t'as une partie de la salle ou juste. Voilà, quand tu as juste une personne ou deux ou une petite partie de la salle qui rigole pas, tu peux te dire, il y en a sûrement dans le tas qui apprécient le spectacle, tu sais, en mode rire intérieur, tu vois. Faut jamais se dire ils détestent ou ils adorent ou je sais pas. Il faut toujours, de toute façon, c'est la remise en question permanente, la scène, et il faut jamais oublier que les gens, certains sont pudiques, ils veulent pas extérioriser le rire, tu vois. Et j'avais lu une histoire, je crois que j'en avais déjà parlé dans le podcast, une humoriste américaine qui jouait et tout, et il y a un mec exactement le même scénario que toi, un vieux, bon, elle c'était un vieux monsieur et tout, et il n'a pas décroché un rire. Elle s'est dit, le mec, il doit détester ce que je fais, et bon, c'est pas grave. À la fin, le mec, il vient la voir et il lui fait, je voulais vous remercier, j'ai adoré votre spectacle. Il dit, mon épouse est morte il y a quelques temps et tout, et Ça m'a fait du bien de venir vous voir et tout. De voilà, je suis encore trop en deuil. Émouvant. Mais tu vois, voilà, je suis encore en deuil. Mais votre spectacle m'a redonné le sourire et tout. Même si, voilà, genre en gros, tu sais, on s'attendait pas à ce qu'il éclate de rire. Ça, son épouse est morte il y a pas longtemps. Mais en gros, le gars disait, grâce à vous, je suis heureux maintenant. Enfin, ça m'a redonné un peu la banane, quoi. Alors que mon épouse vient d'être enterrée. Voilà, enfin, je veux dire, c'est la première fois. Je crois qu'il lui a dit un truc du style. C'est la première fois que je sors depuis l'enterrement de ma femme. Tu vois? Ah oui, donc évidemment que le mec, même s'il souriait un peu, il n'était pas. Tu m'étonnes. Voilà. Ça s'appelait des bars, hein, bien sûr. Donc il ne faut jamais présumer de ça. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que moi, du coup, depuis, quand je suis sur scène et que je vois des gens qui ne rigolent vraiment pas, je me dis tout le temps, peut-être qu'ils ont le rire intérieur, je ne vais pas présumer de quoi que ce soit, tu vois. J'avais une amie qui m'avait prévenu et tout, qu'elle avait le rire intérieur. Elle est venue, j'ai vu qu'elle a quand même apprécié le spectacle. J'étais content parce qu'à un moment, j'ai réussi à la dérider et à la faire rire, ça j'étais content. C'était un peu un challenge pour moi, tu vois. Mais vraiment, il faut se dire que ces gens-là existent et qu'il ne faut surtout pas se dire « ils détestent ce que je fais ». Et c'est un danger, en fait, de se concentrer là-dessus parce qu'on peut perdre en efficacité, tu vois. Il vaut mieux se concentrer sur sa performance et se dire « je délivre du mieux que je peux ». S'ils aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, désolé, mais je vais faire du mieux que je peux. Et toi, tu l'as fait. Et le mec a apprécié. Et bravo à toi parce que tu t'es pas laissé décontenancer. Bah oui, non, on essaye, quoi. Ta performance, elle n'a pas été affectée. Non, pas du tout. Voilà. Non. Non, mais moi, de toute façon, je suis habituée à ce que les gens ils soient dérangés un peu par mon travail. Enfin, tu vois. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où tu as compris que, mais ça, c'est avec le temps, que même quand les gens ils se disent, oula, ou tu sens un malaise, et ben en fait, c'est le malaise, il est créé volontairement. Donc, quand tu sais à deux, trois endroits, il y a des malaises. Enfin, en fait, avec le temps, tu dis, bah ouais, il y a des moments où je sais qu'il y a un malaise qui est créé, c'est volontaire. Bah, au début, ça ne l'était pas, pour être complètement honnête. À la base, c'est juste... Non, mais c'est juste que j'ai remarqué qu'il y a deux, trois moments où il y avait des malaises, mais c'est des malaises qui sont nécessaires parce que juste avant, tu ris, après, tu es mal à l'aise, après, tu es touché, après, tu re-ris. Et en fait, c'est comme des montagnes russes. Et ce n'était pas volontaire, mais j'ai constaté qu'à trois endroits précis, il y avait des malaises. Et maintenant, je vis très, très bien. Et ça me va très bien. Les gens sont très contents d'être mal à l'aise parce que bien sûr. C'est ça, évidemment, on fait pas l'unanimité. Mais bon. En fait, j'ai l'impression que les gens viennent en connaissance de cause parce que quand tu viens voir, je sais pas si ton affiche c'était un truc super joyeux de malade et où c'est marqué du rire toutes les 7 secondes ou toutes les 10 secondes ou je sais pas quoi. Là, les gens seraient vraiment déçus de ressentir du malaise. Alors que là, c'est vendu en tant que seul en scène. Tu vois, un spectacle complet. Donc, on sait qu'on va passer par toute une palette d'émotions. Donc là, déjà, les gens sont préparés. Après, je pense que ce que tu décris là, c'est ce que souvent les gens appellent la musicalité du spectacle. Tu as écrit du texte, tu l'assumes, et ensuite, au fur et à mesure, tu découvres. Mais c'est comme nous, les stand-uppers. Même s'il n'y a pas de malaise prévu, sauf quand c'est réellement assumé, je pense que nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, on écrit la partition, on écrit les blagues, et ensuite, au fur et à mesure qu'on va les jouer, on va connaître la musicalité du truc. On saura, cette blague-là, elle cartonne. Celle-là, elle est un peu moins forte. Celle-là, elle provoque des applauses. Celle-là, il y a un temps de réaction et après, ça rigole. Tu vois, donc, on a une musicalité comme ça, mais à l'écriture, tu ne peux pas le savoir. Tu le sais vraiment que sur scène. C'est pour ça qu'on dit que les spectateurs sont souvent des acteurs à part entière du spectacle, parce que ce sont eux qui vont donner la musicalité qui vont donner le ton du spectacle, en fait. Et toi, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que tu as écrit des trucs, tu ne savais pas que ça provoquerait du malaise, et eux, le spectateur lambda, a décidé que ça provoquerait du malaise, donc maintenant, tu t'en sers, et tu sais que tu navigues comme ça, et qu'il y a un moment où ça va être du malaise, un moment où ça va être du rire, un moment où ça va être un peu émotion, tristesse, tu vois, voilà. Tu fais une proposition, tu vois, l'artiste propose et le public dispose. Oui, non, mais tout à fait. Hein. C'est ça. Après, il faut accepter aussi parfois de ne pas plaire directement. Enfin, moi, je sais que j'ai un spectacle. On m'a souvent dit ça, qu'on y repense pendant une semaine. Ah. Donc, c'est un très beau compliment. Mais, il y a bien un mais, c'est que sur le coup, les gens peuvent sortir en faisant un peu la gueule. Ah, ils d'accord. Se disent, ah ouais, mais c'est chaud. Puis après une semaine, tu vois, et ça met un peu du temps. Et plusieurs personnes me l'ont dit. Donc, tu vois, mais donc c'est pour ça que moi, je suis pas vexée. Même si quelqu'un va dire, oui, oh, Bah, il faut que tu organises des trucs en deux parties. C'est-à-dire, tu fais le spectacle le lundi et tu fais un goûter chez toi le dimanche avec tous les spectateurs. C'est ça, exactement. Bah, ça peut être pas mal, Mais tu vois. Mais je non, comprends, je comprends. je pense qu'à partir du moment où tu assumes ce que tu dis et que toi, tu t'amuses et que tu essayes de créer un lien avec le public, après, voilà, ça leur appartient. Ils aiment, ils n'aiment pas, ils rient pas. Voilà, faut laisser le spectacle vivre. Bon, après, c'est ce qu'on disait, hein, si il y a un moment du spectacle qui fait un bide à chaque fois, c'est qu'il y a un problème, tu vois, évidemment. Mais sinon, bon, faut pas. Après, moi, je sais que c'est pas, c'est un truc fou. J'ai une vanne dans le spectacle, une seule, hein, qui Ouais. marche une fois sur trois. Je n'ai jamais compris pourquoi. 2 ans que je joue ce spectacle, soit les gens partent en fou rire, soit c'est un bide. Et je me suis dit, D'accord. mais merde, pourquoi? Et tu vois, c'est subtil, hein, parce que je me suis dit, mais pourquoi cette vanne? Enfin, c'est pas un bide parce que c'est en gros, soit les gens rient, soit ils comprennent pas et elle passe à l'as, si tu veux, mais ça ne fait pas un bide avec un B majuscule. C'est juste qu'on relève pas, quoi. Tu vois? D'accord. Et je me suis toujours demandé, mais. Et là, tu vois, j'étais en train de répéter, je me suis dit, mais c'est marrant, hein, ce moment-là, c'est vraiment la roulette russe. Pourtant, normalement, sur tout le reste, je sais comment c'est ciselé, je sais ce qu'il faut faire, enfin, tu vois. C'est du Ouais. travail, c'est de l'affinage et tout. Là, je suis là, genre, les gars, ça passe ou ça. Enfin, C'est soit voilà, ça marche, soit je ça vous donne marche pas. ça, vous en faites ce que vous voulez, quoi, voilà. Ouais, mais je crois que si je suis honnête, c'est le temps. En gros, je m'adresse à un personnage imaginaire, évidemment, qui me répond quelque chose, mais c'est une réponse qu'on n'entend pas. Mais il faut avoir la ref. Et du coup, moi, je D'accord. ris, je suis, ah ben, dis donc, c'est super aimable, en gros. Mais Oui, en oui, fait, oui. c'est un truc très commun. Et en même temps, tout le monde n'a pas cette ref. Donc, je pense que déjà, ça vient de là, le fait que Ouais. ça marche ou que ça marche pas, Totalement. premièrement. Et deux, donc, tu vois, ça, c'est vrai que pourtant, c'est un truc très banal, mais bon, tout le monde n'a pas la ref. C'est vraiment millimétré. Je crois que c'est aussi une question de respiration. Si je le laisse le temps qu'on dirait dans la vie assez vite, ça fonctionne. Si je laisse un peu plus de temps, on comprend moins. Enfin, tu vois, mais c'est un peu dur parce que c'est une réponse imaginaire. Mais tu vois, c'est le seul truc où à chaque fois, je suis bon. On verra si elle passe ou pas celle-là. Voilà. Donc c'est amusant, c'est amusant. Ah, d'accord. Bah oui, c'est sûr, c'est une des caractéristiques du spectacle vivant, c'est qu'on sait jamais, tu vois, c'est jamais, c'est pas réglé comme du papier à musique, en fait. T'as ta musicalité dont on parlait tout à l'heure, et des fois, ça passe pas. Il y a des choses qui sont un petit peu, c'est un résultat un peu hasardeux. Tu sais pas si ça va rire ou si ça va prendre un bide ou je sais pas quoi. On en a tous des blagues comme ça, hein, je te rassure. Après, si tu m'avais dit mon spectacle fonctionne une fois sur trois, je t'aurais dit là, c'est chaud. Ah non! Mais mais une Non, vanne, c'est oui, c'est on en a juste une vanne, tous. hein, parce que Mais honnêtement, oui, tout est mais. entre guillemets, tout est au bout de 2 ans de scène, t'imagines que c'est calibré, si tu veux. C'est C'est rodé, bien sûr. rodé, je sais quand les gens. Bah, après, ils peuvent rire plus ou moins fort, être touchés plus ou moins, ils peuvent ne pas aimer le spectacle, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, souvent, j'ai mes réactions qui tombent tout le temps au même endroit, sauf là. D'accord. Et là, Ouais, je me ouais. dis, bah oui, c'est une question de ref. Et ça, à un moment Ouais, mais. donné, bon. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. En fait, quand tu balances un truc et que les gens n'ont pas la référence, c'est très compliqué de les embarquer. Faut que ce soit compréhensible, même par quelqu'un qui n'a pas la ref, et c'est très très compliqué ça. Mais je te rassure, on y est tous confrontés, quoi. Donc c'est pour ça que maintenant je me dis tant pis. Voilà. Voilà. Bah, c'est ça, tant pis, tu fais ta proposition, les gens acceptent ou n'acceptent pas. Au pire, si cette blague-là ne passe pas, il y a eu une heure autour qui enveloppe peut-être ce moment d'incompréhension, et c'est pas grave, ça laisse Oui, puis quand en plus, ça, même. c'est comme c'est un dialogue, enfin, comme c'est un monologue, mais je suis censée discuter avec quelqu'un. Ça passe tellement en 5 secondes que les gens ne s'en aperçoivent pas, en fait. Enfin, je veux dire, les gens, ça fait, c'est ça l'avantage du côté un peu théâtral, justement, c'est que ça ne bide pas. Parce que c'est quelqu'un Ouais. qui me parle et je lui dis, ah bah, dis donc, t'es pas très sympa. Puis je continue mon Oui, truc. c'est tout. Bah, si jamais tu n'as pas compris, tu dis juste, ah ben, bah, il a dû dire un truc pas sympa. Et si tu as Voilà, la c'est tout. ref, C'est c'est une tout. rigolerie. Mais si tu n'as pas la ref, tu te dis juste, oui, bah, le mec n'a pas été sympa, c'est tout. Enfin, Oui, voilà, tu vois? ça Donc reste que ça. compréhensible. Voilà. C'est pas, bah, ceux qui ont la ref vont comprendre que c'est une vanne et que du coup ils vont rigoler, tu vois. Et ceux qui n'ont pas la ref, ils vont juste te dire, bon, bah, on sait pas ce qu'il a dit, mais c'était pas cool. C'est Mais tout. c'était pas cool, voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, bah, tout simplement. Ben, ce sont les mystères du spectacle vivant. Et puis, bah, de toute façon, on est toujours en mode, tu vois, le public est là. Et on ne sait pas qui on a dans la salle. On peut avoir des personnes qui comprennent tout, qui ont des références, qui ont la même culture que nous et tout. On peut en avoir d'autres qui aussi manquent de culture au niveau de l'humour, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas les codes. Y a beaucoup de choses. On peut tomber, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, sur des mecs bourrés qui rigolent à contresens. Tu vois, c'est bizarre, tu sais, t'as tout le monde sur une voie de l'autoroute et t'as l'autre de l'autre côté tout seul, tu vois, qui rigole pendant que tu fais un moment émotion. Donc tout est possible en fait, mais bon, c'est quelque part, c'est ce qui fait le danger et la beauté de cette passion. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment riche et qui nous rend riche au final sur scène parce que les gens prennent, tu vois, si tu veux, il va y avoir un choix de la part des gens. Soit ils prennent pas et du coup, bon, bah, ça bide un peu, voilà. Soit ils prennent et ils prennent encore mieux que ce que tu avais imaginé, tu vois, parce que j'imagine qu'il y a aussi des fois où tu balances quelque chose et ça fait rire normal, comme sur la musicalité dont on parlait. Et là, ce soir-là, bizarrement, ça cartonne et tu prends même une applause. Ce ne sont pas, en fait, le spectacle que tu écris, la performance que tu délivres, tu vois, ils n'ont pas des, comment dire, des résultats immuables, tu vois. Tout ce qui fait rire un soir ne fera pas forcément rire tous les soirs Non, c'est vrai. et pas avec la même intensité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du spectacle vivant, quoi. C'est ce qu'il y a de très beau dans le spectacle vivant, c'est que c'est pas figé. Et Totalement. ça, c'est super. Et puis tu vois, un soir, par exemple, si tu le sens un peu moins bien, parce que je sais pas, bon, t'étais pas moins là ou le public moins réceptif, et ben c'est vachement bien parce que tu as le lendemain ou la semaine d'après en fonction de la régularité, tu vois, de ta programmation, où tu te dis bah, c'est pas grave, il y en a une autre. Alors qu'en fait, c'est vrai que quand tu fais un film ou une série, quand le montage est fait, que c'est dev, que c'est dans la boîte, C'est trop tard. alors si c'est vachement bien, tu es bien content parce que tout est calibré, mais si jamais il y a un truc finalement, qui marche pas, bah c'est trop tard. Tu peux pas. Alors que nous, on peut toujours évoluer. Et ça, c'est quand même, je trouve, une chance, quoi. Tu vois, c'est une liberté aussi, et que Bien je sûr. trouve géniale. Voilà. Non, mais c'est Mais vrai, on est assez après, quand il y a libre, des soirs ou avec les moments de grâce, ça, c'est assez dingue et c'est assez rare d'avoir des vrais beaux moments de grâce. C'est-à-dire que vraiment, tu ne t'y attends pas, tu te surpasses sans le vouloir. Le public est complètement avec toi et tu te dis, mais c'est une magie, quoi. Tu as envie de pleurer tellement c'est beau. Mais ça, c'est pas du tout tous les jours. Hein. Enfin, moi, ça me Ah non, concerne, non, c'est pas non. du tout tous les jours. Et on est à la recherche de ces moments de grâce, un petit peu comme un chercheur d'or, tu vois, genre avec son tamis. Et puis, ces moments de grâce, ce sont les pépites qu'on va trouver. Peut-être qu'on va en trouver une sur 3 mois, ou peut-être plus, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, tout à fait. Blanche Gardin, dans le podcast de Sébastien Marx, elle racontait justement un moment de grâce comme ça. Et elle disait, tu sais, parce qu'on essayait de comprendre, enfin, Sébastien Marx, je pense, essayait de comprendre pourquoi justement est-ce qu'elle s'infligeait cette souffrance, alors que clairement, tu vois, si tu mets des poings dans les murs et tout, c'est chaud quand même. Et elle lui a dit, j'ai vécu une seule fois vraiment le bonheur sur scène. C'était quand elle a fait la première partie d'Elysse Moon à l'Olympia. Elle avait genre 20 minutes ou 30 minutes à l'Olympia et elle a kiffé comme pas possible. Et d'ailleurs, Elysse Moon lui avait dit, genre quand elle est passée à côté de lui, il lui a dit, c'est de la bonne. Hein. Elle a vécu quelque chose, vraiment un bonheur magnifique, un bonheur immense. Et depuis, elle est à la recherche de cette sensation-là. Et elle la vit, bon, peut-être depuis le podcast, elle l'a vécu beaucoup plus. Hein. Maintenant, avec vraiment, elle a affiné son style et puis elle a le succès qui va avec et qu'elle mérite totalement. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'elle vit plus de moments comme ça. Mais sur ce moment-là, elle disait, je suis à la recherche de ce shot d'adrénaline et de, tu vois, comme De un, comme, bonheur, de bonheur, bah, François, de ouais, bonheur. c'est Tu totalement vois, ça, moi je totalement parlais ça. de grâce parce que c'est un truc de, enfin, pas du divin, mais du sacré. Voilà. Tu vois, c'est de l'ordre du sacré. C'est-à-dire que le peu de fois où moi j'ai ressenti, je me suis dit, oh, c'est assez incroyable ce qui vient de se passer là. C'est comme si tu étais en lévitation. Tu vois, il y a un truc, mais c'est rare. C'est rare et c'est très beau. C'est vrai, très rare. Bah, écoute, en tout cas, quand ça nous arrive, on est ravis et puis on continue à jouer sur scène parce qu'on cherche ce moment-là. Et puis, de toute façon, ça vient tout seul. Comme la première fois, c'est venu tout seul parce que tu l'as pas réellement cherché. Ça Non, non, non, reviendra tout tout à seul, tu sais. fait. Bah, c'est comme on dit souvent, c'est quand on s'y attend pas que ça arrive, tout ça, tu vois. Donc vraiment, c'est ce qui fait notre bonheur sur scène quand ça arrive. Quand ça n'arrive pas, bah, c'est pas grave parce qu'on a quand même partagé un très bon moment avec les gens dans la salle. Et quand ça arrive, c'est vraiment Voilà. du délice, quoi. Faut Écoute, pas hein. chercher forcément. Non, voilà, Mais faut c'est pas chouette, mais chercher. c'est beau quand ça arrive, tout à fait. Voilà, quand ça arrive, c'est magnifique, il ne faut pas forcément le chercher. Et puis voilà, mais en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ces petits moments de scène qui t'ont marqué du coup, que ce soit positivement ou négativement, mais c'est vrai que tu as eu des belles expériences quand même, hein. Vraiment bravo à toi, tu as une carrière quand même assez riche, je trouve, variée et intéressante, et on a hâte de pouvoir te retrouver sur scène. Merci à toi d'avoir partagé, merci à toi pour ta générosité en fait, et j'espère qu'on pourra te découvrir du coup dans un nouveau spectacle prochainement. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oh là là, moi je suis vraiment complètement naze en réseaux sociaux. je sais, c'est mon grand, grand, grand défaut. Sur Insta, Oui. Julie Bargeton. D'accord. Voilà. C'est Facebook, une vrai page que, Facebook peut-être? si, Julie Bargeton sur Facebook et sur Insta. Ok, Voilà. d'accord. Et sinon, bon, les grands classiques après Twitter, chaîne YouTube, non? Pas du tout. Pas D'accord. du tout. Eh bien, très bien, je mettrai Facebook et Insta, il n'y a pas de souci. D'accord, bah, merci Bon. beaucoup. Merci à toi, Merci avec à grand toi. plaisir. Merci beaucoup. Donc, je mettrai les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.